Bonjour. Et l'on reparle de Ousmane Sonko. Sud Quotidien parle de tentative d'intimidation à Ziguinchor où Sonko serait la victime. Des responsables de PASTEF ont été victimes d'intimidation et de harcèlement par les renseignements généraux qui ont fait une descente au domicile de la maman de Sonko. Et tout naturellement, écrit la tribune, Sonko accuse le pouvoir. Mais selon source A, le premier flic dynamite le château d'accusation pour Alingou Ndiaye, écrit là, ce sont des accusations fantaisistes. Sonko accuse, la gendarmerie recuse, écrit le quotidien. Restons avec Ousmane Sonko qui occupe la une de Direct Info avec cette déclaration. Le pouvoir s'emploie à défendre les intérêts des Occidentaux plutôt que ceux des Sénégalais, clame-t-il. L'observateur qui essaie de décortiquer le candidat Sonko parle d'un candidat tout chaud. Walfadjiri de nous dire, avec l'inflation des candidats place à la surenchère, une élection présidentielle qui se fera avec l'influence du pétrole, fait remarquer Dakar Time. Enquête s'intéresse aux incongruités de la loi interdisant des sondages en période préélectorale. Effectuer des sondages en période d'avant-élection est prohibé au Sénégal, mais en secret, les états-majors politiques ne se privent pas de prendre la température et le premier à violer la loi est le président de l'APR, Macky Sall, écrit enquête. En tout cas, dans son camp à Guédiawaye, c'est la guerre totale entre la Diop et son frère Aliou Sall. Zoom Info de nous dire, la police a même chargé la Diop. Succession de Khalifa Sall. L'As nous dit, c'est la confusion chez les khalifistes. Car si Bande Diop déclare avoir le soutien de Khalifa, Moussa Taye a aussitôt démenti cette thèse de l'édile de la Padoue. Pour Babacar Tchaïba dans enquête, si le régime veut Dakar, il devra patienter jusqu'au prochain local. Selon le quotidien, l'alcool va connaître une hausse de 50% sur les prix. L'observateur nous parle d'un scandale sexuel à Yumbel. Un maçon a piégé et violé une vingtaine de dames mariées pour la plupart via le net. Fox Populi revient sur la sale affaire d'homosexuel de Liberté 4. Une rocambolesque affaire, nous disent nos confrères. C'était tout. Merci. Très bonne lecture à tous.